Moi, j'étais venu à la séance précédente, donc il y a 2 semaines, et j'avais noté quelques petites choses dans mon carnet, donc je vais partir de ça, au fond, parce que pour le lien entre vos problématiques et au fond les nôtres, là, celles que vient d'exposer Lauriane. Alors, pour commencer, il y avait l'histoire. Donc, il y a 2 semaines, vous avez parlé des LABEX. Alors, j'ai appris ce que c'était parce que je n'y connaissais rien. Et au fond, qu'il y avait eu un communiqué victorieux sur la fin de l'héritage de 68, si j'ai bien compris. Alors nous, dans notre champ, il y a eu le rapport Milon, il y a 1 an et demi, où en fait il a été dit, donc c'est un rapport de l'OPEPS, c'est l'organisme parlementaire d'évaluation des politiques de santé, qui a dit qu'au vu des progrès des neurosciences et de l'imagerie médicale, la partition entre neurologie et psychiatrie n'est plus de mise. Donc ça, c'est pour illustrer au niveau politique ce que raconte Lauriane sur l'objectivisme médical, c'est-à-dire le retour de ces thèses où, au fond, le dérèglement psychique pourrait être visualisé avec l'imagerie, pourrait être très grossier. La deuxième chose qui avait été dit il y a 2 semaines, c'est il faut nous apprendre à traduire en langage bureaucratique notre langue et remettre du vertical là où il y avait de l'horizontal. Alors, on voit bien dans ce qui vient d'être énoncé que c'est précisément ça l'enjeu, c'est-à-dire qu'on est en train de hiérarchiser de nouveau la psychiatrie, alors que le combat justement des psychiatres progressistes et des équipes progressistes au sortir de la guerre, donc au début des années 50, c'était précisément de mettre en question la hiérarchie, et notamment la hiérarchie hospitalière. Hein. C'était l'idée de, au fond, il faut soigner d'abord l'hôpital et la hiérarchie pour pouvoir après soigner les patients les plus graves. Bon. Il y avait une autre question, c'était sur quelle base naît une alternative possible. Alors peut-être qu'on pourrait y revenir ça avec des petits exemples. Ensuite, il y avait la question de la... Alors je ne sais pas si ça se dit comme ça, si ce n'est pas un néologisme. Bon, la mandarinalisation. De nouveau, les mandarins sont de retour. Nous, en psychiatrie, il y a un champ spécifique quand même, c'est les psychiatres universitaires. Ils n'ont rien à voir avec la plupart des autres psychiatres. Déjà, ils ne sont qu'une centaine sur 11 000. Et ils sont, pour beaucoup, mais pas tous, nourris vraiment à l'aune de cet objectivisme. Hein. Il y avait la question de l'évaluation aussi qui avait été abordée. Et au fond, l'évaluation, dans notre champ en psychiatrie, elle marche comme une discipline. Hein. Donc ça, le tournant gestionnaire des années 80 en psychiatrie, c'est-à-dire, au fond, ça a été le tournant de la rigueur budgétaire, qui a quand même été entériné au départ par la gauche, par des gouvernements de gauche. Hein. Ça a permis justement de se dire, bon, on va faire les choses de manière pragmatique, et donc on va évaluer les pratiques, on va faire des accréditations, des certifications, et c'est des mesures qui ont mis au fond une vingtaine d'années à se répandre, et c'est à partir des années 2000 où dans notre champ, il va y avoir un certain nombre de protocoles, etc., ce qui vient d'être évoqué là. Et alors, il y a 2 semaines, vous avez parlé qu'au fond, dans l'université, il y avait des consultants, des cabinets de consulting qui venaient pour vous dire ce qu'il fallait faire, quoi. Bon. Alors nous, à l'hôpital, on a des qualitologues. Et dans le 13e, à Soisy-sur-Seine, il y a une qualiticienne. C'est-à-dire que c'est une personne qui est embauchée à temps plein pour nous apprendre à comment faire des protocoles valides. Bon. C'est des gens qui connaissent rien au métier concret. Ensuite, il avait été dit, il n'y a pas de contenu scientifique. C'est pas les contenus scientifiques qui priment. Alors nous, en psychiatrie, au fond, c'est pas le patient qui prime là, c'est est-ce que les mesures correspondent bien ou pas aux évaluations. Par exemple, il y a un patient qui s'est pendu dans une chambre d'isolement, le directeur de l'hôpital dit heureusement qu'on a respecté tous les protocoles. Voilà, voilà, non mais c'est on peut rigoler, mais c'est pas drôle du tout, du tout, du tout. Si, c'est très drôle, mais c'est très drôle, mais pas quand c'est son patient. Voilà, alors sinon. Il avait été dit aussi qu'il faut accompagner la mondialisation et former tout au long de la vie. Alors, en psychiatrie, nous, on est un peu le cheval de Troie de former tout au long de la vie. Parce qu'en fait, la santé mentale, alors moi, j'ai repris un mot en disant c'est le santé mentalisme, c'est au fond comment on va créer un cadre normatif pour dire voilà ce que c'est qu'être en bonne santé, qu'être dans le bien-être et d'avoir une bonne qualité de vie. Et alors, je vais vous reprendre juste une phrase de... Alors, j'ai noté parce que je ne la connais pas par cœur, malheureusement. Mais depuis 2007-2008, il y a eu un tas de rapports au niveau européen, donc au niveau de l'Union européenne et au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, qui ont eu des influences considérables dans le champ de la psychiatrie, mais enfin française, hein, au niveau des nationales. Et alors, il était dit C'est pas la bonne page, dommage. Bon, alors je vais la dire de tête à peu près. Il était dit qu'au fond, avoir une population en bonne santé mentale, ça va permettre à l'Europe de remplir des objectifs stratégiques dans la compétitivité mondiale. Mais c'est énoncé comme ça, c'est dans le livre vert de l'Union européenne. Enfin, vous pouvez trouver ça sur Internet. Voilà, donc on voit comment, au fond, une problématique au départ psychiatrique, la santé mentale, progressiste, parce que dans les années 50, l'association de santé mentale du 13e, c'est à la pointe de la prise en charge des patients les plus lourds, les plus graves, etc. Comment ce mot-là va se tordre au fur et à mesure des années, et notamment dans les années 2000, et encore plus en 2009, puisqu'en 2009, il y a eu un rapport remis à Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était la secrétaire d'État qui dépendait notamment le centre d'analyse stratégique. Alors, je pense que vous connaissez ça. Le centre d'analyse stratégique avait émis un rapport qui s'appelait « La santé mentale, l'affaire de tous ». Et donc, il était dit, bon, faut pas se leurrer, il y a la santé mentale négative. Ça, c'est l'affaire des psys, bon, ça nous concerne plus trop. Il y a la souffrance psychique et la détresse psychologique, la souffrance au travail, tout un tas de choses comme ça qui nous concernent tous, la dépressivité de tout un chacun, qui au fond crée un boulevard pour les psys en entreprise, etc. Et puis, il y a un troisième terme qui est apparu en 2009, c'est la santé mentale positive. Alors, la santé mentale positive, c'est comment mettre en place un certain nombre de techniques, de technologies, pour faire que la population et que les individus soient performants, compétitifs, tout au long de leur vie, qu'ils aient un troisième âge le plus adapté possible, notamment grâce aux gérontotechnologies pour le troisième âge. Enfin, il y a tout un tas de novlangues comme ça qui est assez incroyable. Donc, la santé mentale, c'est vraiment, ça accompagne vraiment la mondialisation, parce qu'au fond, le pli européen de ce santé mentalisme, c'est de dire comment l'individu peut être auto-entrepreneur de lui-même, comment il peut avoir un capital santé mentale à rentabiliser. Alors vous voyez que ça, tout de suite, ça ne marche pas pour les patients psychotiques. Un type qui délire son capital santé mentale, il se marre bien, quoi. Enfin, s'il peut se marrer. Donc c'est complètement à côté de la plaque pour ce qui nous concerne. Au niveau du pli un peu plus français, on peut dire que ce santé mentalisme-là, il y a deux axes. Il y a à la fois un hygiénisme rénové, hein, parce que tout ça, ça s'appuie sur des discours de santé publique, où au fond, on ne va pas voir l'individu dans la singularité de sa situation, c'est-à-dire l'individu qu'on voit tous les jours au quotidien dans nos CMP, dans nos centres de consultation, etc. Mais on ne va pas partir de cet individu-là, on va partir de la population. Et en raisonnant à partir de la population, donc du général, on va établir une conduite à tenir avec une collection d'individus à la fin. Donc, la personne qu'on va rencontrer, au fond, si on s'en tient au protocole et à cet hygiénisme-là, c'est une collection d'individus. Un individu qui, en effet, il n'y a plus de phénomène inconscient, il est transparent à lui-même, donc on peut complètement le prédire, etc. Donc là, il y a eu vraiment une inversion de, au fond, c'est plus, on ne part plus des pratiques, mais on part de constats généraux. Donc il y a l'hygiénisme d'un côté, et puis il y a ces histoires, de, au fond, de normativité concurrentielle, hein, d'individu auto-entrepreneur lui-même. Bon. Alors tout ça... Et c'est ce que tu disais, Christian, au tout départ. Quelles conséquences ça a dans nos pratiques? Forcément, ces normes-là, au départ, si on ne fait pas un gros travail dessus, elles sont présentées comme naturelles. Elles sont naturelles, mais même en nous, quoi. Il y a un gros travail de naturalisation des normes. Hein, pour prendre un grand truc, c'est de dire, au fond, bah, la concurrence, on ne peut rien y faire... bah, la santé, oui, c'est un capital. Enfin, c'est des choses qui se présentent comme ça qu'on a du mal à remettre en question. Alors, en psychiatrie, par exemple, histoire toute simple, on arrive le premier jour dans un service, on nous dit, bon, bah, les patients, on les met en pyjama. Au début, quand ils arrivent, si on dit qu'il est agité aux urgences, bah, faut mieux le mettre en isolement ou dans un pavillon fermé, etc. C'est des choses au début qu'on ne remet pas en cause parce que bon bah déjà on est flippé parce qu'on est nouvellement nommé comme interne, etc. Et au fond ça marche tout le temps. Ça marche quand on est interne, quand on est citoyen, enfin on a du mal à se décaler des choses. Et alors c'est ça la force de ce cadre, parce que notamment il y a tout un tas de penseurs et de gauche hein, aussi, qui vous présentent ce cadre normatif comme un cadre de fait. Alors je pense, il n'est pas là, c'est dommage, on aurait pu discuter, je pense notamment à Alain Ehrenberg. qui est notamment très introduit alors, au Parti Socialiste, hein, au Laboratoire des Idées. Et toute la vulgate du PS, c'est de dire qu'au fond, la psychiatrie, pourquoi il y a la dérive sécuritaire actuelle, c'est parce qu'il n'y a pas une bonne gestion. Et nous, les socialistes, quand on reviendra au pouvoir, eh ben, on mettra en place une bonne gestion. Alors, ça m'amène, à l'idée de la psychiatrie sécuritaire et de son tournant gestionnaire. Parce que, au fond, nous, on sait, là, le collectif des 39, il a émergé au moment où il y a eu le discours sécuritaire de Sarkozy, qui est donné plein de fric pour construire des unités pour maladies difficiles, des chambres d'isolement. C'est du fric qui a été 70 millions qui ont été quand même filés en 2 mois. Enfin, c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu en psychiatrie. Alors, il y a 2 façons de considérer le problème. Soit on se dit, au fond, cette psychiatrie sécuritaire, c'est juste une logique comme ça, populiste, due notamment au gouvernement UMP, à Sarkozy, etc. Donc on individualise le problème. Bon, il y a forcément des éléments comme ça. Soit on se dit aussi que il y a une logique qu'on n'a pas vu venir au cours des, au minimum des 30 dernières années, qui s'est infiltrée progressivement, et qui fait qu'au fond, la pointe sécuritaire actuelle, c'est la pointe émergée de l'iceberg gestionnaire. Alors, pourquoi ça? Moi, je pense, enfin, je pense, même c'est des gens sérieux qui ont dit ça, qu'au fond, le New Public Management en psychiatrie, il a commencé notamment de manière très simple, quand il y a eu, alors, à la fois l'informatisation dans les services qui permettront après la valorisation de l'activité en psychiatrie, quand on a été dit qu'il va falloir comparer les services entre eux, qui soigne, qui soigne pas, donc ça nécessite d'avoir des critères pour savoir qu'est-ce que c'est que le soin, comment on soigne, etc. Et ça s'est traduit au niveau de l'État, notamment dans les années 90, la fin des années 90, quand ont été promues les agences régionales d'hospitalisation. Les ARH, elles étaient vraiment construites sur le mode de New Public Management. Mais à l'époque, elles n'avaient pas de pouvoir décisionnaire. En 2009, au moment de la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire, les ARH sont devenus des ARS, donc les agences régionales de santé, là, elles ont un pouvoir décisionnaire. C'est-à-dire que c'est elles qui disent tous les projets qu'on peut monter ou pas en psychiatrie, quels sont les moyens nécessaires, etc. Enfin bon. Donc il y a vraiment eu, au fond, une normalisation du champ qui s'est accompagnée dans les pratiques de ce que raconte Yves Claude, d'une pasteurisation de la pratique, quoi. Et c'est-à-dire que c'est plus le réel de l'activité, de ce qu'on fait au quotidien qui compte, mais bien plus les mesures répondant à l'hygiénisme, etc. Bon. Alors, pour peut-être pour conclure, enfin, je sais pas, on pourra être plus dans la discussion et revenir, mais il faut savoir quand même, de manière très concrète, en 2008, dans le pacte européen pour la santé mentale, donc c'est un certain nombre de pays qui ont signé ça, la santé mentale est devenue un droit de l'homme. C'est noté comme ça, la santé mentale est un droit de l'homme. Donc on voit bien que, bon, tout ça, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est fait par des logiques, il n'y a pas un grand méchant, ou c'est pas une théorie du complot, c'est une rationalité. Et tout ça, c'est fait au nom du bien, c'est-à-dire les gens, quand ils pensent ça, c'est vraiment fait pour le bien, pour que ça marche. Et c'est ça qui est d'autant plus difficile à combattre. Et c'est pour ça la question de la question de la collaboration des collègues, mais aussi de nous-mêmes en permanence, parce qu'on collabore qu'on le veuille ou non, c'est vachement compliqué à démonter, parce qu'au fond, bah oui, c'est au nom du bien tout ça. Voilà. Alors, pour pas terminer sur une note complètement négative, je vais vous raconter les modalités de résistance qu'on a trouvées nous dans notre champ. Alors, il y a eu le collectif des 39. Alors là, ça a été une insurrection sur la question de l'éthique professionnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous réunit, c'est quoi le sens de notre métier. C'est un peu bête, hein, mais qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est quoi le sens? Alors, il a été question de la résistance. Est-ce que c'est un bon mot? Est-ce que c'est pas un bon mot? En tout cas, la question des pratiques subversives de manière micro-locale, quoi. Et c'est ça qui est important à tenir dans nos services. De tenir le fait non, que c'est pas normal d'envoyer des gens en unité pour maladies difficiles, que c'est pas normal que juste de leur donner des médicaments et de s'arrêter à là. Enfin, il y a un certain nombre de choses comme ça qui sont pas normales. C'est des petits riens, mais c'est hyper important. Ensuite, Vous parliez de l'autre fois de quel rapport à la langue de l'ennemi. Alors, c'est pas grave d'employer des termes guerriers parce qu'on est dans une sorte de guerre. On peut se servir des armes de l'ennemi pour les combattre tout en gardant quand même sa propre langue. Alors, d'une manière très concrète, à Reims, il y avait eu le plan grippe l'année dernière où nous, on nous avait dit, bah, écoutez, on fermera le dispositif ambulatoire où quand même on prend en charge 90% des patients psychotiques. On ferme le dispositif ambulatoire et puis tous les soignants, parce qu'il y en a plein qui vont être malades aussi, on les rapatrie à l'hôpital et on fait des pavillons pour gripper. Alors on s'était dit, bah, ça y est, ça recommence, comme dans les années 40, où on abandonne la plupart des patients. Donc on s'est dit, bah, on va pas laisser faire ça. Du coup, avec quelques copains, on a fait un PowerPoint avec la pyramide, les trois paliers. Enfin, on a repris un PowerPoint d'un copain qui avait fait ça à Lille, Pierre Parésis, qui avait vraiment pris le langage bureaucratique des administratifs. Et alors, la direction de l'hôpital a vu ça et a pris ça vachement au sérieux en disant « Ah ouais, c'est vachement bien. Ah, vous avez raison. Et moralité, eh ben, ils n'ont pas fermé les CMP, etc. » Et ça a marché, quoi. Alors, pareil pour les histoires d'accréditation. On peut monter une sorte de théâtre de marionnettes, c'est-à-dire que la question, c'est de pas y croire, parce que dans la plupart des services, les gens y croient. Ils commencent à croire à la confection des protocoles, etc. Alors, par exemple, dans un autre service, à peu près le même, quand les accréditeurs sont venus, ils avaient... Donc, on doit avoir toute une série de protocoles, etc. Ils avaient mis des dossiers avec marqué sur la frange la « protocole », en gros, mais c'était vide à l'intérieur. Donc, ils n'avaient pas été voir. Pareil, dans une clinique subversive du centre de la France, c'est les patients qui font les traitements. À la pharmacie, c'est les patients qui donnent les traitements. Il y a plein de chiens et chats dans la clinique. Enfin bon. Et puis quand arrive, et puis à la cuisine, c'est les patients qui font la cuisine. Mais avec la liaison froide, on n'a plus le droit de faire la cuisine, que les patients fassent la cuisine, parce que quand même, c'est dégueulasse, etc. Bon. Le jour où les accréditeurs sont venus, bah, ils ont déguisé les gens en Charlotte. Ils ont mis un bureau à la pharmacie avec une pharmacienne en blouse, etc. Ils ont rangé tous les chats et les chiens dans le pavillon tout au fond qui est soi-disant abandonné. Enfin voilà, c'est des conneries, mais ça nous permet de tenir de manière politique micro-locale, quoi. Et ça, c'est hyper important. Un autre exemple, on n'a plus le droit de faire des repas à l'hôpital. Par exemple, les repas avec les patients, on n'a plus le droit de confectionner les repas à cause de la liaison froide. Alors, il y a un moyen tout simple, c'est quand on met les patients en permission, le jour même, ils peuvent manger ce qu'ils veulent, où ils veulent. C'est-à-dire qu'ils peuvent confectionner dans l'hôpital leur bouffe, parce qu'ils sont en permission, en fait, ils ne devraient pas être à l'hôpital. Bon, voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça à faire jouer. Donc, ça, il faut que vous trouviez ces modalités-là chez vous. Voilà.